Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gémozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le jeudi 9 mai, nous souhaitons une bonne fête au Pacôme. Ça vient du latin pacifié. Pacôme est un homme entier, courageux, énergique et viril qui se veut sévère. Sous une certaine rudesse et des airs conquérants, il a une grande sensibilité qu'il tente à maîtriser, ainsi qu'une certaine séduction qu'il n'entretient que discrètement. Timide, inquiet au fond de lui-même, il doute de ses capacités, mais il compense parfaitement par une activité nettement au-dessus de la moyenne et une volonté à toute épreuve. Il évolue avec une aisance naturelle, s'adapte rapidement, peut montrer du savoir-faire, voire un certain opportunisme. Pourtant, il est plutôt strict, déteste la flatterie, le mensonge, les faux-semblants et surtout l'injustice. Capable de colère violente, lorsqu'il fait face à une iniquité, il est alors redoutable. Matérialiste, il a le sens des affaires et est un homme de terrain. Les théories ne l'intéressent que lorsqu'elles sont appliquées. Impatient, il est très efficace, rapide d'exécution et a besoin d'exercice physique, sans quoi il serait assez vite agressif ou querelleur. Dicton du jour, brouillard de mai et chaleur de juin amènent la moisson à point. Célébration internationale, aujourd'hui c'est la journée du souvenir et de la réconciliation en l'honneur des morts de la Seconde Guerre mondiale. En Arménie, c'est la fête de la victoire qui commémore à la fois la victoire des Alliés en 1945 et la prise de la ville de Chouchi en 1992. Au Guernesey, c'est la fête de la libération qui commémore la fin de l'occupation des îles anglo-normandes durant la Seconde Guerre mondiale. En Roumanie, c'est la fête de l'indépendance qui commémore l'émancipation vis-à-vis de l'Empire ottoman en 1877. En Russie, Ukraine, Bélarus, Kazakhstan, Moldavie et autres pays post-soviétiques, c'est le jour de la victoire qui célèbre l'acte final de la capitulation allemande signée à Berlin le 8 mai 1945. C'était la commémoration hier, mais c'était signé au soir, donc le 9 mai à l'heure de Moscou. Et aujourd'hui dans l'Union Européenne, eh bien, c'est la journée de l'Europe qui célèbre la déclaration Schuman. Et dans les événements qui se sont déroulés un 9 mai en 1994, Nelson Mandela devenait président de la République d'Afrique du Sud. Allez, tout de suite, première pause musicale avec Billy Joel et son titre Uptown Girl. Oh, Uptown Girl de Billy Joel sur le 107FM, un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 9 mai 1946, naissance de Candice Bergen, actrice américaine connue pour son rôle de Shirley Schmidt dans la série télé Boston Justice. 1949, naissance de Billy Joel, chanteur, auteur, compositeur, musicien américain. 1953, naissance de Béatrice Schoenberg, journaliste française qui a présenté les journaux télévisés de fin de semaine sur la 2 de 97 à 2007. 1956, naissance de Wendy Crewson, actrice canadienne, connue pour son rôle d'Anne Packard dans la saison 3 de 24 heures chrono ou encore son rôle du docteur Dana Kinney dans Saving Hope. 1961, naissance de John Corbett, acteur américain, connu pour son rôle d'Edan Shaw dans la série télé Sex and the City ainsi que dans le film Sex and the City 2, vu également dans United States of Tara dans le rôle de Max Gregson ou encore NCIS Los Angeles. 1962, naissance de Dave Gahan, chanteur britannique du groupe Depeche Mode. 1968, naissance de Marie-Josée Pérec, ancienne athlète française, seule athlète française à être triple championne olympique en 92 aux Jeux de Barcelone sur 400 mètres et deux fois aux Jeux d'Atlanta en 96 sur 400 mètres et sur 200 mètres. Au championnat du monde, elle compte deux médailles d'or et au championnat d'Europe, deux médailles d'or et une de bronze. 1971, naissance de Paul McGuigan, musicien britannique qui fut membre du groupe Oasis de 1991 à 99. On écoute tout de suite un extrait de leur titre Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. Sure, you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. Voilà pour l'extrait du groupe Oasis. On continue les anniversaires. 1979, naissance de Pierre Bouvier, chanteur québécois du groupe Simple Plan. C'est également l'année de naissance de Rosario Dawson, actrice américaine vue dans Men in Black 2, Sin City et Sin City, j'ai tué pour elle dans le rôle de Gail. Vue également dans Percy Jackson, le voleur de foudre dans le rôle de Persephone ou encore la série télé Daredevil dans le rôle de Claire Temple. 1982, naissance de Barbara Cabrita, actrice franco-portugaise découverte dans la série Le Groupe dans le rôle de Barbara, vu également dans Sous le soleil, R.I.S. Police scientifique dans le rôle de Julie Labro, Coup de foudre sur un air de Noël dans le rôle de Mélodie. 1983, naissance de Gilles Muller, ancien joueur de tennis luxembourgeois ayant fait carrière de 2001 à 2018. Meilleur classement ATP, la 21e place atteinte en 2017. Quart de finaliste à Wimbledon ainsi qu'à l'US Open, 8e de finaliste à l'Open d'Australie et 32e de finaliste à Roland-Garros. 1985, naissance d'Audrina Patridge, actrice américaine vue dans Bleu d'Enfer 2 dans le rôle de Kelsey ou encore Honey 2 dans le rôle de Melinda. 1987, naissance de Kevin Gamero, footballeur français qui de 2005 à 2008 a joué à Strasbourg, de 2008 à 2011 à Lorient, de 2011 à 2013 au Paris Saint-Germain, de 2013 à 2016 à Séville, de 2016 à 2018 à l'Atlético Madrid et depuis 2018 il joue à Valence. 1997, naissance de Zayn Huett, acteur américain connu pour son rôle de Parker Scavo dans la série Telet, Desperate of Wise. En 2008, décédé Pascal Sevran, présentateur d'émissions télé français, écrivain qui a animé durant de nombreuses années la célèbre émission La Chance aux Chansons. Allez, tout de suite, on écoute Dépêche Mode avec leur titre Just Can't Get Enough. Just Can't Get Enough sur le 107FM. Il est pile 8h45 et il est temps pour nous de parler météo. La météo. Et alors, pendant ma petite semaine de vacances, on a eu un retour en hiver. Et oui, il y a neigé samedi dernier, si vous n'étiez pas dans les Vosges. Et oui, il a neigé. Alors aujourd'hui, ce ne sera pas de la neige, mais de la pluie avec des températures qui sont somme toute inférieures en normale de saison. Des températures comprises ce matin entre 8 et 9 degrés. Pour cet après-midi, entre 12 et 14 degrés. Pour un mois de mai, c'est pas folichon. Vendredi, ce sera plutôt une journée mitigée, des températures températures comprises entre 7 et 8 degrés le matin, entre 14 et 15 degrés l'après-midi. Et samedi, ce sera de la pluie, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 13 et 14 degrés l'après-midi. Et que s'est-il passé d'autre pendant ma petite semaine de vacances ? Eh bien, c'est le bébé royal, ça y est, il a enfin pointé le bout de son nez. Le fils du prince Harry et de Meghan Markle est né le 6 mai dernier. Il a été présenté officiellement à la presse hier après-midi, ainsi qu'à son arrière-grand-mère, la reine Elisabeth II, et autre son petit minois qui a été dévoilé. Alors, il était bien emmitouflé, fallait bien chercher pour distinguer sa jolie petite frimousse. Eh bien, son nom a été dévoilé également hier. Le prince Harry et Meghan Markle ont appelé leur fils Archie Harrison Mountbatten Windsor. Mountbatten Windsor, c'est le nom de famille de la famille royale. Archie, c'est vrai que ça fait parler depuis hier. Il y a de nombreux jeux de mots et Harrison, tout simplement, Harrison, ça signifie le fils de Harry. Donc là, ça se comprend. Mais Archie, c'est vrai que c'est peu commun, en tout cas dans la famille royale britannique. Et on va tout de suite faire un point sur l'actualité sportive. Il s'est passé des choses également. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le football et la Ligue des Champions. Hier, c'était la demi-finale retour entre l'Ajax d'Amsterdam et Tottenham. L'Ajax qui avait l'avantage en s'étant imposé à l'aller, mais c'était sans compter la grande forme du joueur de Tottenham, Lucas Moura, qui a inscrit un triplé et qui permet donc à Tottenham de s'imposer 3-2 hier soir et donc de se qualifier ainsi pour la finale. Et on aura donc une finale 100% anglaise en Ligue des Champions, ce sera Liverpool face à Tottenham. Et on pourrait avoir également une finale 100% anglaise en Europa League, mais ça, il va falloir attendre ce soir pour en être certain, puisque ont lieu les demi-finales retour, Chelsea qui reçoit Francfort et Arsenal qui se déplace à Valence. Un mot de football féminin avec l'Olympique Lyonnais qui a remporté la Coupe de France en battant Lille 3-1. Un mot de basket avec les playoffs de NBA et c'est la fin de l'équipe de Yabusele, l'équipe de Boston qui s'est inclinée en quart de finale 4-1 face donc à l'équipe de Milwaukee et hockey sur glace, pardon. En NHL, c'est également la fin de l'aventure en playoff d'Alexandre Texier, tout d'abord avec son équipe de Columbus qui a été éliminée des playoffs de NHL et ensuite il a été dans l'équipe de Cleveland où là aussi son équipe s'est inclinée et le joueur est donc libéré pour rejoindre l'équipe de France à Košice en Slovaquie où va bientôt débuter le championnat du monde. Et pour la France, ce sera samedi midi face au Danemark, mais attention à ne pas mettre trop de pression sur les épaules d'Alexandre Texier qui a fait une super saison, mais à lui tout seul bien sûr dans un sport collectif on ne peut pas arriver à tout, donc il sera là bien sûr, mais également ses coéquipiers. Et on va parler tennis avec le tournoi de Madrid et hier David Ferrer s'est incliné face à Alexander Zverev, une défaite qui met donc fin à sa carrière puisque David Ferrer avait décidé de mettre un terme à sa carrière à la fin de son tournoi de Madrid. C'est donc ainsi la fin de carrière du joueur espagnol surnommé Le Pou. À noter également hier l'élimination de Juan Martín Del Potro, l'élimination d'Adrian Mannarino qui s'est incliné en 2-7 face à Tsitsipas et Lucas Pouille qui s'est incliné en 2-7 face à Urkaz. Décidément pour Lucas Pouille, c'est compliqué. Et à quelques semaines maintenant de Roland-Garros, c'est un peu inquiétant pour le parcours de nos tricolores. En tout cas, aujourd'hui, deux gros matchs attendent nos Français. Jérémy Chardy affrontera Novak Djokovic et Gaël Monfils, lui, se reposer à Roger Federer. Raphaël Nadal, lui, affrontera Tiafoe et Dominic Thiem, lui, se reposer à Fabio Fognini. À noter côté féminin, hier, l'élimination de Caroline Garcia en 2-7 face à Kvitova. Kvitova qui affrontera aujourd'hui Bertens et il y aura également Alep face à Barty. Voilà pour l'actualité sportive. On va donc tout de suite marquer notre dernière pause musicale avec le groupe Simple Plan, leur titre Summer Paradise en version française et en featuring avec Sean Paul. I gotta find my way back to